se réclame la lumière. Je ne vis plus dans le noir. Lumière au fond du couloir. Et je guette mon histoire. Oh oui, pour prendre un nouveau départ. Goûter enfin à l'air. papidou. Wa papidou. Wa papidou. Wa papidou, pidou, pidou. Wa papidou. Wa papidou, pintin pidou. Wa papidou, pinta pidou bodoton. Wa papidou, pidou, pidou. Wa papidou, ding ping ping pidou. Wa papidou, ping ping pando gabon. Wa papidou, ping ping pado. Tang tang tang pidou gutu kata. Oh, wa papidou, hey. Wapapidou, wapapidou, pidou, pidou.